sans toi. Je t'en supplie, reviens-moi. J'ai peur d'avancer sans tes bras. Dis-moi s'il reste un espoir. C'était elle et moi, tout est parti d'un soir. Une embrouille, un détail, elle est partie en pleurant. M'a dit c'est fini, c'est foutu. Comment faire quand ton passé est le repère de ton futur? Y'a pas de point final, que des points de suture. Je cicatrise mal, toi seul, peux soigner mes blessures. Devant mes potes, je fais le mec, comme si j'allais bien. Mais devant l'étoile, j'ai fait un vœu, c'est que tu me dises reviens. Elle, dans son regard, mes yeux n'avaient plus pied. Des sables mouvants, mais des sables que j'appréciais. Je t'avais tout donné, t'étais ma moitié. Nous et seulement nous, je l'ai crié au monde entier. Il manque une partie de moi. Oui, tu l'as emmené. Maintenant je suis au plus bas, mais avec toi je planais. Je me renferme, j'arrive pas à t'écrire. Putain de fierté, ça finit par me détruire. Je perds la tête sans toi. Je t'en supplie, reviens-moi. J'ai peur d'avancer sans tes bras. Dis-moi s'il reste un espoir. Faisait vivre. Moi je veux pas tourner la page. J'aime beaucoup trop notre lit. J'ai l'impression qu'on gâche tout. Moi sans toi, je lâche tout. Qui va sécher toutes ces larmes sur ma joue? Je perds la tête sans toi. Je t'en supplie, reviens-moi. J'ai peur d'avancer sans tes bras. Dis-moi s'il reste un espoir. Allô, t'es où? Je me fais un tas de films. Je ne supporterai pas qu'il y ait un acteur dans ta vie. Tu sais que dans ma vie t'as le premier rôle, yeah. Mon héros. J'arrive en bas de chez toi, prépare-toi à partir. Fais-toi belle, on a rendez-vous avec notre avenir. Je suis prête à te suivre, on va où tu veux, okay. Quand tu veux. Viens. Serre-moi fort, aussi fort que l'on sème. Plant des graines de bonheur, qu'on récolte ce que l'on sème. Qu'on décolle dans les airs, qu'on rigole comme on sait faire. Tu m'as tellement manqué, comme le goût de tes lèvres. Je te mets au défi, de m'aimer toute une vie. Dans les hauts comme dans les bas, pour le meilleur et le pire. Je suis ton coupable, je suis ta complice. Si on baisse les bras, c'est pour embrasser notre fils. Je pouvais plus vivre sans toi. Aujourd'hui et demain, j'y crois. Enfin retrouver tes bras. Je sais qu'il reste un espoir.